qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 27 juillet prochain, on célébrera le 8e centenaire de la célèbre bataille de Bovine, victoire du roi de France Philippe Auguste sur l'empereur Othon IV et Renaud de Boulogne. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui cette page d'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le dimanche de Bovine, comme l'a nommé Georges Duby, vous savez, est assurément une des plus grandes dates de l'histoire de France. 27 juillet 1214, nombreux sont les historiens qui ont voulu y voir l'acte de naissance de notre pays en tant que nation. J'ai demandé à l'un de nos grands, plus grands archivistes, Bruno Galland, de venir m'aider à vous présenter cet événement dans toutes ses implications et à nous parler du roi Philippe Auguste, dont il est le biographe. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicolas qui vous demande de revenir aux origines d'une pratique rare, celle des funérailles nationales. Eh bien, pourquoi pas. En attendant, je vous propose de nous rendre à une dizaine de kilomètres à l'est de l'île, sur le champ de bataille de Bouvines, pour revivre un des affrontements les plus décisifs dont nous ayons gardé la mémoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une des images les plus marquantes de la guerre médiévale, un moment suspendu dans la mémoire des hommes. Deux armées gigantesques qui se font face sur environ 3 de nos kilomètres. Les premières lignes à quelques pas de distance l'une de l'autre. On dit que les soldats, si l'on peut dire d'un côté, sentaient le souffle de ceux d'en face. Vous imaginez, c'est incroyable. Tout ça sous un soleil de plomb. Dans cette plaine de Bouvines, sur ce plateau, devrais-je dire plutôt, on trouve un écho de ce tableau fascinant, terrifiant même, dans la chanson de Roland qui est composée justement à cette époque. Je cite la traduction bien entendu, en français moderne, « Les armées sont nombreuses, leurs batailles sont belles, il n'y a entre elles ni colline, ni val, ni tertre, ni forêt, ni buisson, aucun refuge où se cacher, les deux armées se voient de près, à découvert. » Vaste est la plaine et large la contrée, les aumes brillent couverts de gemmes et d'or, le jour est clair et le soleil luisant, les armées sont belles, immenses leurs bataillons. L'historien de cette bataille décisive, enfin l'un des historiens, il est mort dans des circonstances tragiques en 1941, c'était évidemment Antoine Adangue. C'est lui aussi qui nous décrit ce moment, en quelque sorte, cet arrêt sur image de l'histoire. Je le cite « Aucun nuage au ciel, pas un souffle, pas un bruit, pas une ombre, tout l'accablement du milieu de l'été et du milieu du jour ». Ça me fait penser à ce vers, enfin à cette très belle réplique qui ouvre Partage de midi de Claudel. Hein. Midi au jour, midi au centre de notre vie, c'est un peu ce qui se passait pour tous ces combattants. Je reprends la lecture d'Adangue. Rien ne bouge, l'eau dort dans la torpeur des marécages, la chaleur a figé les blés mûrs, nul oiseau dans l'air étouffant, sur la terre muette et prostrée, dévastée comme aplanie sous la pesanteur du soleil. Il n'est d'autre vie, semble-t-il, que celle des milliers d'hommes venus enfiévrés de tous les coins d'Europe et qui soudain demeurent immobiles et retiennent eux aussi leur souffle. Je vous propose aujourd'hui de revivre donc cette bataille de Bouvines. Alors une fois n'est pas coutume, je dois vous dire que certains auditeurs m'ont littéralement mâché le travail. Vous avez été nombreux à réclamer cette émission sur la bataille de Bouvines. Bénédicte, Denise, Loïc, Enguerrand par exemple se sont ainsi manifestés. Pierre de Lambersart a fait mieux, lui m'a carrément envoyé tout un petit dossier avec des extraits de livres, des coupures de presse, etc. Je m'en suis bien sûr inspiré pour mon récit. Si les auditeurs pouvaient nous faire tous les jours le travail comme ça, ce serait formidable. Alors ainsi, grâce à Pierre, je n'ai pas eu à fouiller dans ma bibliothèque pour retrouver la superbe Histoire de France du grand écrivain nationaliste Jacques Bainville, ni à feuilleter le volume pour en extraire le beau passage que voici. C'est peut-être la vraie, c'est peut-être la suprême leçon de Bouvines et je vous la livre en exergue à cette émission. C'est Jacques Bainville qui écrit. Si nous pouvions reconstituer la pensée des Français de l'an 1214, nous trouverions sans doute un état d'esprit assez pareil à celui de nos guerres de libération. L'invasion produisait déjà l'effet électrique qu'on a vu par les volontaires de 1792 et par la mobilisation de 1914. Devant le péril, Philippe Auguste ne manqua pas non plus de mettre les forces morales de son côté. Il avait déjà la plus grande, celle de l'Église, et le pape Innocent III, adversaire de l'Empire germanique, était son meilleur allié européen. Philippe Auguste en appela aussi à d'autres sentiments. On forcerait à peine les mots en disant qu'il convoqua ses Français à la lutte contre l'autocratie et contre la réaction féodale complice de l'étranger. Il n'y a plus qu'une indication dans les paroles que lui prête la légende au moment où s'engagea la bataille de Bouvines. « Je porte la couronne, mais je suis un homme comme vous !» Et encore, nous dit Bainville, « Tous, vous devez être rois et vous l'êtes par le fait, car sans vous, je ne puis gouverner. » Les milices avaient suivi d'enthousiasme et après la victoire qui délivrait la France, ce fut de l'allégresse à travers le pays. Qui oserait assigner une date à la naissance du sentiment national? On n'oserait pas, monsieur Bainville, on n'oserait pas. Mais si c'était le cas, cependant, on retiendrait volontiers cette fameuse date du dimanche 27 juillet 1214. Il faut peut-être que je commence par vous expliquer dans quel cadre cette bataille va prendre place. Le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, le petit frère de Richard Cœur de Lion, vous savez, c'est le méchant prince Jean de Robin des Bois. Jean, donc, qui est aussi duc d'Aquitaine, a réuni contre la couronne de France une vaste coalition qui comprend nombre de grands féodaux, dont Renaud de Boulogne, dont vous avez parlé tout à l'heure, Céline, et au premier rang, bien sûr, l'empereur germanique en personne, Othon IV. Philippe Auguste, qui, en Flandre, ne contrôle plus que Cassel et Douai, et qui se voit partout tailler des croupières, envoie son fils Louis, le futur Louis VIII, le lion, hein, le père de Saint-Louis, qui d'ailleurs vient de naître, Saint-Louis, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Il l'envoie donc sur la Loire, et quand il apprend la victoire de son héritier à La Roche-aux-Moines, alors il décide de prendre l'initiative à son tour, avant que les renforts allemands et lorrains d'Othon n'aient eu le temps d'arriver. À la mi-juillet, Othon a installé son camp à Valenciennes. Le 26, Philippe Auguste est devant, qui arrive lui de Péronne hein, et de Douai. Il va planter l'oriflamme de Saint-Denis à Tournai. L'empereur, à ce moment-là, ne reste pas immobile. Il vient placer ses garnisons. On appelait ça à l'époque des batailles. Alors, ça ne facilite évidemment pas la compréhension de certains textes même traduits parce que bataille ne signifie pas forcément affrontement à l'époque, ça veut dire surtout c'est des bataillons, on dirait nous, si vous préférez. Il vient donc les installer à proximité de celle du roi de France. Philippe, qui voulait attaquer, suit les conseils de son entourage. À ce moment-là, il se replie sur l'île. L'empereur croit que le roi est en train de s'enfuir. En fait, il va faire volte-face. Voici à ce propos ce que nous dit le célèbre, le grand historien Henri Martin. Le roi s'était désarmé et se reposait un peu sous l'ombrage d'un frêne lorsqu'arrivèrent des messagers de l'arrière-garde criant un merveilleux cri que l'ennemi venait. Le roi, après une brève oraison à notre seigneur, se fit armer hâtivement, saillit sur son destrier en aussi grande liesse que s'il dût aller à une noce ou à une fête, et lors commença-t-on de crier parmi les champs « Aux armes, baron, aux armes !» Trompes et buccines, c'est-à-dire clairons si vous voulez, commencèrent à bondir et les batailles, voyez, on y revient, à retourner qui avaient déjà passé le pont et fut rappelé l'oriflamme de Saint-Denis que l'on a coutume de porter par devant toutes les autres au front de la bataille. Mais comme elle tardait, cette fameuse oriflamme, on ne l'attendit point et le roi partit à grande course de cheval et se plaça à la première ligne, séparé des ennemis par une petite élévation de terrain. Oui, alors avant d'entrer dans le fort de la bataille, il faut peut-être que je vous explique justement un petit peu qui se bat, pourquoi et comment. Vous avez compris que ces deux armées se sont donc installées l'une face à l'autre. Évidemment, il y a un très gros déséquilibre entre cette coalition sous la houlette de l'empereur germanique, Othon IV, et puis les troupes du roi de France qui sont nettement moins nombreuses. C'est-à-dire que si le front est évidemment très très long, et s'il est de même distance, de même longueur des deux côtés, ça c'est naturel, la profondeur des lignes est trois fois moindre du côté des Français. Alors, on est dans cette période qui est, on va dire, la fin des croisades. Hein. Donc, les croisades ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la tactique et de la stratégie à cette époque. Il existe un véritable art de se battre, n'est-ce pas ? On a des formations de combat, chacun a ses méthodes, chacun a ses buts, bien entendu. Ce qu'on pourrait comparer à l'artillerie d'aujourd'hui, ce sont les chevaliers. Il faut imaginer ces chevaliers en armure, sur de leurs chevaux caparaçonnés, qui sont comme des tanks, si j'ose dire. Alors attention, ils sont nettement moins lourds que ne le seront leurs descendants plus tard, et on verra le désastre à Crécy, à Azincourt, etc., de ces chevaliers devenus tellement lourds qu'ils ne peuvent plus bouger, en quelque sorte. Là, c'est pas encore le cas, mais tout de même, quand vous avez un chevalier armuré qui vous fonce dessus avec son cheval caparaçonné à l'époque, je vous prie de croire que tout culbute devant, hein, bien entendu, rien ne peut résister. Et puis alors, on utilise l'infanterie qui n'est pas très mobile encore à l'époque, mais grâce à des pics dont on plante l'arrière dans le sol, hein, ce qui permet de tenir des positions, on fait de cette infanterie un véritable rideau. Ce sont comme des murailles mobiles sur le champ de bataille, si vous voulez, qui sont là précisément en partie pour protéger les chevaliers et les cavaliers. Ce sont des masses comme en quelque sorte des retranchements humains, si vous voulez, d'une certaine manière. La force de la piétaille, disait Georges Duby, la force de la piétaille réside dans sa cohésion. Hein, c'est vraiment ça. C'est un petit peu le bouclier des chevaliers. Donc les chevaliers, évidemment, sont... Alors, il y a différents rangs, hein, évidemment. Vous avez quelques grands barons, bien entendu, des chevaliers au sens propre. Et puis, vous avez des cavaliers qui, eux, sont là et ils vont jouer un rôle absolument essentiel dans cette affaire de la bataille de Bouvines, qui, eux, sont là pour harceler les troupes ennemies. Alors, comment se disposent les armées, les batailles sur ce champ de Bouvines? D'abord, il faut vous dire que Philippe Auguste a confié le commandement à l'évêque général Guérin. On va y venir tout à l'heure, évidemment, on va évoquer ça avec Bruno Galland. Il a compris, Philippe Auguste, qu'il n'était peut-être pas le meilleur des généraux. En quelque sorte, il a quelqu'un qui est là pour ça et on peut dire que pour les Français, c'est l'aile droite qui compte d'abord. Pourquoi ? Parce que d'un côté, à gauche, vous avez la rivière qui va empêcher, quoi qu'il arrive, un débordement. Au centre, vous avez cette énorme masse d'infanterie que l'ennemi, que Othon en l'occurrence, et que les coalisés vont essayer de percer. Ils vont faire une sorte de coin pour essayer de couper en deux la masse armée française. Et puis, en revanche, il est possible d'aller les contourner complètement par l'est, hein, puisque nous combattons en partant du sud vers le nord, eux combattent en partant du nord vers le sud. Ce qui veut dire d'ailleurs que les coalisés vont avoir constamment le soleil dans l'œil, ce qui est un grave inconvénient dans ces guerres médiévales, bien entendu. Donc au centre, vous avez le pivot de la manœuvre, en quelque sorte, cette infanterie, le gros de l'infanterie capétienne, et puis on a mis l'accent, nous, sur notre aile droite pour aller contourner par l'est les lignes ennemies et essayer d'aller les prendre à revers. Évidemment, c'est la seule chance que peuvent avoir les Français en forte infériorité numérique de s'en sortir, car s'ils sont en forte infériorité numérique, en revanche, ils ont l'avantage d'une chevalerie très puissante. Et alors, tous nos extraordinaires chevaliers, on les a collés là, justement, sur cette partie, pas tous, mais la plupart, sur cette partie droite pour aller faire le tour, si je puis dire. Alors, on va utiliser pour lancer les choses, on va donc utiliser ces cavaliers qui sont, disons-le, hein, qui sont des cultivateurs recrutés dans la vallée de l'Aisne, les sergents à cheval, si vous voulez, qu'on envoie un petit peu dans un premier temps, qu'on envoie un peu à la boucherie. Hein. C'est, nous dit Adang, c'est l'assaut du pot de terre contre le pot de fer, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, les chevaliers qui sont en face quand ils voient débarquer ces cavaliers-là montrent une immobilité dédaigneuse, ils les démontent presque tout simplement en éventrant leurs chevaux au passage. Simplement, comme ces cavaliers n'ont pas été trop lourdement armés, une fois leurs chevaux tués, ils peuvent continuer de se battre à pied. Ils vont faire un travail extraordinaire. Othon, pendant ce temps-là, lui, a déclenché au centre l'attaque de son infanterie, hein, donc qui est formée en coin, qui va essayer de séparer les rangs français en deux parties. On avance à petits pas, cette infanterie de la coalition. Il y a des fantassins d'Allemagne, de Flandre, de Lorraine. On ne sait pas combien ils sont, mais ils sont très nombreux. Ils sont certainement plus de 20 000. Certains historiens disent même, c'était le cas d'Henri Martin, peut-être 30 000, nous dit-il. En tout cas, trois fois plus nombreux que les communiés de France, qui ont le plus grand mal, évidemment, à leur résister. Notre front s'ouvre, évidemment, hein. Le coin s'avance. C'est un petit peu comme l'étrave d'un navire qui fendrait la mer, si vous voulez, qui s'avance comme ça dans les lignes françaises. Alors, il y avait comme objectif du côté des coalisés d'aller prendre possession, en quelque sorte, du roi de France. C'était le but principal. Sauf que, et ça va être la très grande chance de Bouvines, un certain nombre des grands barons de la coalition vont se laisser distraire de cette mission initiale et vont avoir des attitudes qui ne sont pas conformes à la stratégie qui avait été établie. Je vous ai décrit pour commencer cette émission ce moment qui a dû être absolument extraordinaire de ces deux armées qui se font face avant que ça ne commence. Il y avait là un silence incroyable et on avait l'impression en quelque sorte que cette armée si gigantesque, on n'était pas habitué à cette époque, était fascinée par le spectacle de sa propre double puissance et, quand je dis puissance, par la potentialité de violence que tout ça allait dégager, parce que ce que l'on a tendance, nous, parfois, à oublier, c'est l'incroyable violence de ces combats. Alors, on a retenu de Bouvines, évidemment, la question, les fameux gourdins ferrés, vous savez, ces massues qui étaient couvertes à leur extrémité de métal et qui ont joué un rôle important dans la bataille. Mais il faut tenir compte des piques qui sont là pour littéralement harponner les cavaliers, des haches dont on que l'on fait tournoyer autour de soi et qui font généralement le vide, inutile de vous dire, et puis de toutes ces grandes épées qui travaillent plus des stocks que de taille, mais qui en tout cas font littéralement miroiter le champ de bataille. Il faut imaginer le soleil, ce soleil de plomb de Bouvines qui fait naître partout des éclats sur les armes polies qui sont en train de tailler dans la chair et dans le sang. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission où nous atteignons bientôt les 30 000 fans. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la bataille de Bouvines. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour au champ de bataille de Bouvines avec vous, Franck Ferrand. Alors c'est à ce moment-là que va se dérouler la scène tellement fameuse, hein, le sommet du drame de Bouvines, si je puis dire. Et je vous raconte ça en prenant les termes même d'Adam, qui l'a tellement bien décrit. En cette minute, va se jouer, écrit-il, avec la vie du roi, le destin du royaume. À peine Philippe a-t-il pénétré dans la masse impériale que 1000 fantassins l'enveloppent et le séparent de sa suite. L'épée royale se relève et s'abat inlassablement, mais les longues piques se croisent devant le destrier. D'autres cherchent à harponner le roi pour l'arracher de sa selle. Un routier réussit à l'agripper par le cou en engageant son crochet entre le capuchon des mailles et le haubert. L'homme tire, ses camarades tirent avec lui. Philippe se cramponne, mais son cheval perd l'équilibre, trébuche et s'abat. Le roi gît à terre. Là, on se dit, ça y est, c'est fini. Ça paraît, on pense que la bataille est en train de toucher à sa fin. Je poursuis. Une nuée de ribauds se rue sur son corps, comme des loups sur une proie blessée. Ben, pourquoi pas? Les dagues, les poignards, les couteaux fouillent le tissu d'acier pour trouver la fissure par où entrer dans la chair. C'est la curée. Mais le Capétien sera sauvé par son armure et par la grâce de Dieu, nous disent les chroniqueurs du temps. Ses fidèles ont vu le mortel péril. Les voici. Pierre Tristan saute à terre. Il saisit à bras-le-corps les ribauds qui tiennent le roi à la gorge. Et au risque de piétiner le souverain, Montigny pousse son cheval pour en faire un rempart. D'une main, il écarte les piques flamandes. De l'autre, il agite désespérément la bannière fleur-de-lysée. Les cavaliers demeurés en arrière fendent la presse pour venir au secours. De tous côtés s'élèvent des cris d'appel au bon chevalier qui combat plus loin, sans deviner ce qui se passe derrière lui. Au bar, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est Guillaume des Bars qui était parvenu jusqu'à l'empereur, jusqu'à Othon. Il le tenait déjà par le haume et lui assénait grands coups et pesants, nous disent les chroniqueurs du temps. Mais il entend clamer son nom, se retourne enfin, voit le signal et comprend. Il lâche prise et se précipite à la rescousse dans un furieux galop. À la vue du géant qu'ils connaissent de renom et dont l'épée tournoie en flamboyant, les ribauds s'écartent épouvantés comme des feuilles mortes qu'un coup de vent disperserait. Des Bars s'ouvre un tel passage que l'on pourrait, diront les chroniqueurs, y faire passer un char à quatre roues. Ses compagnons s'engouffrent sur ses pas. Ça va être la diversion qui va sauver le roi Philippe. Il est dégagé, il peut remonter à cheval. Et il est, à ce moment-là, on pourrait le croire complètement abattu ou sonné ou que sais-je. Non, pas du tout. Il est galvanisé. Il reprend la bataille à bride abattue. On se bat comme si on ne s'était point encore battu, nous dit la chronique. Mais l'infanterie impériale a perdu la cohésion qui faisait sa force et le découragement va succéder au délire du triomphe qu'on avait entrevu. Elle n'offre plus de résistance. On fauche dans le tas. L'affreuse moisson va durer jusqu'au soir. Et je reprends là le récit d'Henri Martin. Les Français se battirent, qui fait lui-même une part extrêmement avantageuse aux chroniqueurs de ce XIIIe siècle dont il emprunte des passages entiers. Les Français se battirent si fortement et si longuement qu'ils repoussèrent toute la bataille, toujours pareil, le bataillon si vous voulez d'Othon, et vinrent jusqu'à lui si près qu'un chevalier français prit le destrier de l'empereur par le frein et le crut tiré hors de la presse. La multitude des Tiwas, c'est-à-dire des Allemands si vous voulez, qui se serraient encore alentour ayant empêché mon voisin d'exécuter son dessein, un autre homme d'armes français voulut donner un grand coup de coutelas à Othon, mais le cheval de l'empereur releva la tête et reçut le coutelas à travers l'œil et jusqu'en la cervelle, l'estocade destinée à son maître. Le destrier, forcené de douleur, emporta Othon hors de la mêlée et tomba mort à quelque distance. On amena alors un cheval frais à l'empereur, mais Othon remonté en selle. Alors là, on se dit, il va reprendre lui aussi la bataille. Othon remonté en selle ne retourna point au combat, comme avait fait le roi Philippe. Il se mit à fuir, au contraire, du plus vite qu'il put, abandonnant son aigle et son char impérial et ne pouvant plus endurer la vertu des chevaliers de France. Le char sur quoi sait l'étendard impérial fut dépiécé, le dragon fut brisé et l'aigle d'or ayant les ailes arrachées et rompues fut déposé au pied du roi. Je n'ai même plus besoin de vous dire qui a gagné la bataille de Bouvines. Bonjour Bruno Galland. Alors, tous ceux qui me reprochent de faire de l'histoire chronique et de l'histoire bataille auront aujourd'hui quelques eaux à leur moulin et ensemble nous allons revenir sur une histoire, je dirais justement, un peu plus générale et nous allons revenir sur ce règne extraordinaire du roi Philippe Auguste. Europe 1. Retrouvez Frédéric Tadié dès 21h pour votre rendez-vous Europe 1 Social Club. Chaque soir en compagnie de ceux qui font la culture d'aujourd'hui, il tente de découvrir ce qui fait l'ADN de notre époque. Des conversations sans aucune barrière qu'il partagera ce soir entre autres avec le chanteur Yann Tiersen ou encore le géographe Paul Claval. Europe 1 Social Club avec Frédéric Tadié, c'est à consommer sans modération dès 21h sur Europe 1. Georges Delerue sur Europe 1, un extrait de la bande originale de la série télé du même nom, Thibaut ou les Croisades. Thibaut des Croisades, oui, c'était la grande, ça c'était vraiment la grande série qui a bercé notre enfance. Enfin, la mienne, pas la vôtre, évidemment. Vous ne pouvez pas avoir connu ça, vous. Voilà, un petit peu. J'étais trop petit. Nous sommes au cœur de l'histoire du règne du roi Philippe Auguste avec vous, Franck Ferrand, et Bruno Galland, votre invité, directeur des archives du Rhône, professeur associé à la Sorbonne, auteur de Philippe Auguste, le bâtisseur du royaume, aux éditions Belin. Alors, il faut dire, Bruno Galland, on va revenir un instant sur cette bataille, que c'était ces batailles du Moyen-Âge, c'était une confusion sans nom. nom. Oh, combien d'exploits, combien d'actions célèbres sont demeurées sans gloire au milieu des ténèbres, où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait, ne pouvait discerner où le sort inclinait, aurait dit Corneille. On ne pouvait connaître l'issue des combats que parfois plusieurs heures après que s'était achevé le combat, en vérité. Tout à fait. Et il faut imaginer qu'en dehors de la lumière du soleil que vous avez évoqué, il devait y avoir une telle poussière qui était secouée par tous ces chevaux que, ce que nous disent d'ailleurs certains chroniqueurs, en fait, on n'y voyait rien et tout était très confus. Ces gens harnachés sous cette chaleur, j'ose imaginer évidemment les odeurs, le sang partout, c'était des combats d'une extrême violence et d'autant plus qu'une part de la bataille s'effectuait en combat singulier entre les chevaliers. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que les batailles rangées étaient extrêmement rares. L'essentiel de la guerre au Moyen-Âge, c'est des escarmouches, on essaye de prendre des châteaux et dès que l'ennemi arrive, on s'en va. Et c'est sans doute ce qui explique aussi la raison pour laquelle Bouvines a eu une telle importance dans notre histoire. C'est une des très rares batailles rangées du Moyen-Âge où le roi était personnellement présent. Alors on a ces miniatures évidemment, qui sont souvent d'ailleurs beaucoup plus tardives, du 14 ou 15e siècle, mais ces miniatures qui nous montrent la marée humaine et casquée des deux côtés. Donc moi je me rappelle, ça a marqué mon enfance, hein, ça véritablement... J'allais dire, ça fait rêver ou ça fait faire des cauchemars, peu importe. Mais on se dit que, vous savez, nous étions l'autre jour, nous sommes allés faire du repérage pour l'émission du 6 juin sur une véritable péniche du débarquement. Et j'imagine, le moins qu'on puisse dire, c'est que des guerres extrêmement récentes ne sont pas moins sauvages et moins violentes. Absolument. Mais tout de même, hein, quelle dureté. Et alors, quelle dimension d'ordalie, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un peu le jugement de Dieu, la bataille à l'époque. Et vous insistez dans votre ouvrage sur cette dimension religieuse de la bataille qui allait s'engager. Les Français, dites-vous, ne pouvaient plus avoir de doute là-dessus. Ils allaient combattre un empereur excommunié qui, en plus, avait décidé de se battre un dimanche. Absolument. Le fait que Bouvines soit un dimanche, et Georges Duby l'avait bien compris, est quelque chose de majeur. On ne se bat pas un dimanche. Et le fait que l'empereur, qui était effectivement excommunié, parce qu'il était en conflit avec le pape Innocent III, le fait que l'empereur ait décidé d'engager la bataille un dimanche, je suis convaincu que ça a énormément marqué les combattants qui étaient aux côtés de Philippe Auguste et que, effectivement, ils étaient sûrs que Dieu ne pouvait pas les abandonner dans une telle circonstance. Les deux souverains majeurs, alors moi je suis passé allègrement sur tous les grands chevaliers, sur tous les grands féodaux qui ont finalement été l'âme de cette bataille de Bouvines, mais avec un regard un peu moderne, j'ai retenu les deux souverains. L'un et l'autre sont passés très près de leur perte. Le roi Philippe n'a dû sa survie qu'à un sursaut absolument inattendu de ses plus proches barons. Quant à l'empereur, il se relève seulement pour se sauver. Ça, c'est moins noble, évidemment. Absolument. Et d'ailleurs, les chroniqueurs français sont ravis de relever la grâce et l'agilité avec laquelle Philippe Auguste remonte sur son cheval, tandis que les chroniqueurs anglais un peu perfides disent qu'il se releva maladroitement et péniblement. Oui, en tout cas, il s'est relevé. Ça, absolument, c'est incontestable. Il avait avec lui cette ferveur religieuse fondamentale. Est-ce qu'il avait, c'est une question que je vais vous poser plutôt qu'une affirmation que je puis produire, est-ce qu'il avait avec lui la naissance de ce sentiment national qu'un certain nombre des historiens du 19e siècle notamment ont voulu voir poindre sur le champ de la bataille de Bouvines ? Honnêtement, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il est très frappant de voir que Philippe Auguste, après les belles victoires qu'il a remportées en Normandie, en Anjou, dans le Maine ou en Touraine, a plutôt envisagé en 1213 d'aller conquérir l'Angleterre que d'aller mener la guerre au sud de la Loire. Pour Philippe, donc il ne s'agissait pas de reconstituer son précaré d'une certaine manière. Non, ça c'est une fabrication qu'on comprend bien au 19e siècle, où on essaye de montrer que les rois de France n'ont eu qu'un but, c'est de mettre le royaume dans les frontières qui ont été ensuite celles de la République ou de la monarchie constitutionnelle du 19e. Est-ce que lorsque Jacques Bainville nous dit qu'une sorte de frisson parcourut l'ensemble du royaume à la nouvelle de la victoire de Philippe, ce sont ses propres fantasmes qu'il met en scène ? Je pense qu'en tout cas il exagère ce que nous disent les chroniqueurs. Il est certain que le retour de Philippe Auguste de Bouvines à Paris a donné lieu à une grande liesse populaire. Certainement. Oui, tout de même, c'est ça. Certainement aussi très bien orchestré, parce que la communication politique, il ne faut pas croire que c'est une invention de notre époque. Donc, il y a une liesse populaire, mais on le sait parce qu'on voit très bien quelles sont les chroniques qui parlent de Bouvines, au sud de la Loire, un peu loin de Paris. Personne n'en a entendu parler. Alors, dans la galerie des batailles du château de Versailles, voulue en 1837 par le roi Louis-Philippe, on a représenté cette scène très particulière de la couronne offerte au baron, en quelque sorte. Voilà, ça c'est l'exemple même de l'invention historiographique postérieure. On est sous Louis-Philippe, hein, donc on est dans la construction du mythe national. Tout à fait. Et donc, on fait de Philippe Auguste une sorte de roi constitutionnel qui n'est roi que par la volonté de ses sujets qui lui disent « Mais oui, tu es le meilleur, reste roi ». Tout ça, ça a commencé à être fabriqué. Si quelqu'un est plus digne que moi, qu'il l'apprenne, dit-il en montrant la couronne. Hein, c'est voilà, ça, mais tel que je connais un peu Philippe Auguste, il n'était sûr qu'il n'aurait jamais dit une phrase pareille. Et alors, d'autant moins que cette bataille de Bouvines, elle intervient plutôt vers la... Même pas plutôt, elle intervient vers la fin du règne. Ce qu'il faut bien comprendre, hein. on n'est plus du tout dans les grandes campagnes de la jeunesse du roi. Vous avez tout à fait raison. Philippe Auguste s'est beaucoup battu dès qu'il est devenu roi, c'est-à-dire à 15 ans. Et il s'est énormément battu jusqu'en gros en 1206, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il ait une quarantaine d'années. Et puis après, ça s'arrête. Comme le dit Georges Duby avec un peu d'humour, le roi est un peu rouillé. Et finalement, quand il est obligé de se battre à Bouvines, il a 50 ans. Il avait aucune envie particulière de le faire. Il a été obligé d'affronter le combat. Mais sur le fond, cette bataille, si elle a servi sa légende et sa gloire, ne lui a apporté aucun avantage concret. Ça, c'est incroyable. Alors, on va revenir évidemment sur l'ensemble du règne, sur ce que la France doit tout de même à ce grand roi qui peut être considéré en quelque sorte, si on devait faire la galerie des grands rois de France, il est le premier des rois de France digne de ce nom, si je puis dire. On va voir pourquoi dans un instant. Et surtout, nous allons revenir sur toutes ces constructions. On va essayer de dépoussiérer la vérité, ce que vous faites admirablement dans cette biographie Philippe Auguste, le bâtisseur du royaume, qui est publiée chez Belin dans la très belle collection Portraits, dirigé par Thierry Sarment. Nous avons déjà eu l'occasion de recevoir un certain nombre des biographes qui se sont illustrés dans cette galerie de portraits. Et le moins qu'on puisse dire est que le vôtre ne départ pas du tout sur la simèse, cher Bruno Galland. Alors, ce qui est quand même amusant, et ensuite nous viendrons à Philippe Auguste lui-même, c'est de voir que, pour en finir avec la bataille de Bouvines, le XVIe siècle a voulu y voir un incroyable sursaut de la chevalerie, avec l'amour qu'on pouvait avoir à l'époque pour cette chevalerie qui était en perte de vitesse. Le XVIIe siècle veut y voir une ferveur extrême. Le XVIIIe siècle, il veut y voir l'humilité du roi primus inter pares. Le XIXe siècle veut y voir la naissance de la nation. Que voulait y voir le XXe et le XXIe siècle, d'après vous, dans cette bataille de Bouvines, à travers notamment le célèbre ouvrage de Georges Duby? Alors, je pense que le XXe, en tout cas le début du XXe, y a vu, et Jacques Bainville, c'est extrêmement net, une espèce d'événement caractéristique de la lutte entre la France et l'Allemagne, parce que c'était l'empereur qui était en face. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus dans Bouvines, c'est de voir, d'une part, comment la légende s'est emparée de l'événement, ce que Georges Duby a magnifiquement fait, vraiment, oui. Et combien cet événement est totalement atypique dans le règne de Philippe Auguste, dans sa chronologie et même dans la manière dont il a mené ses batailles. Sur le site internet d'Europe 1, Bernard, il a totalement raison, me dit « c'est très bien tout ça, mais on ne comprend pas tout à fait pourquoi Othon se trouve dans cette coalition. Dans cette coalition, il faut que vous précisiez, dit-il, qu'il était par sa mère le neveu du roi Jean, hein, donc et pour cause allié naturel des Anglais, et dites aussi qu'il avait un rival dans le Saint-Empire qui était Frédéric II. » Oui, c'est vrai que moi je suis passé un peu vite sur tout cet échiquier géopolitique de l'Europe de l'époque. Oui, il faut dire que c'est extrêmement complexe. Moi, alors, j'avais peur de perdre un peu nos auditeurs. Mais effectivement, il y a deux candidats pour l'Empire. Donc, Philippe Auguste a choisi le sien. Et Jean Santerre, le roi d'Angleterre, a d'autant plus choisi l'autre que, comme le dit très justement l'auditeur, c'est son parent. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'ensemble, une grande partie de cette Europe, et en tout cas, cette Europe qui déjà à l'époque commence à devenir une Europe marchande, une Europe de négoce, a pris fait et cause pour Othon, pour le roi d'Angleterre qui lui-même n'est sur le trône qu'à la suite de tout un ensemble de péripéties sur lesquelles on reviendra pas du tout aujourd'hui, et qu'en face il y a la création de cette monarchie française qui s'incarne dans une figure, Philippe II, Philippe le Second, celui que l'histoire a retenu sous le nom de Philippe Auguste. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire du règne du roi Philippe Auguste avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Bruno Galland, directeur des archives du Rhône, professeur associé à la Sorbonne, auteur de Philippe Auguste, le bâtisseur du royaume aux éditions Belin. Alors, ce qui est remarquable notamment dans votre biographie, Bruno Galland, c'est que l'on a le sentiment d'approcher vraiment le roi. Vous êtes archiviste, vous êtes un pur produit, si je puis dire, de l'école moderne de l'histoire, et néanmoins vous nous donnez à sentir ce personnage comme si c'était un personnage moderne. Quelles sont les sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour le faire? On a beaucoup de chance avec Philippe Auguste. Il y a beaucoup de chroniques. Il a eu son propre chroniqueur. Il a quelqu'un qui a écrit sa vie. D'abord Rigord, puis Guillaume le Breton. C'est le début de l'histoire des chroniques de Saint-Denis. Il y a des chroniqueurs en Flandre, en Touraine, en Anjou qui racontent les événements. Il y a des chroniqueurs anglais, ça c'est bien, parce qu'on a deux échos, on voit les différentes interprétations. Oui, ça permet d'avoir un peu de recul, disons. Tout à fait. Et puis il y a des archives avec Philippe Auguste. Alors voilà. C'est le premier roi qui crée les archives centrales du royaume, donc l'archiviste. C'est un peu votre forcément. Saint patron, finalement. Ah, mais bien sûr, un archiviste ne peut pas ne pas s'intéresser à Philippe Auguste, parce qu'il a mis en place les archives, parce que comme il a eu de très belles conquêtes, il a eu plein de reconnaissances, plein de droits nouveaux sur son royaume, et donc il a jugé qu'il était nécessaire de conserver la preuve de ses droits. On en a perdu, bien sûr, de ses archives. Mais enfin, oui, quand même. Enfin, moins que lui, probablement, quand il en a perdu à la bataille de Frédéric en 194, qui fait que d'ailleurs, il sait probablement, ça l'a renforcé dans l'idée qu'il fallait garder les archives centrales. C'est-à-dire qu'en fait, il se promenait avec ses propres archives, c'était ça l'histoire? Oui, je ne l'imagine pas avec son magasin d'archives derrière un cheval, mais il se promenait avec la liste des personnages qu'il lui avait prêté fidélité et auprès des, sur lesquels il pouvait s'appuyer pendant les hostilités. Et c'est cela qui lui a probablement été enlevé à l'occasion de la petite bataille de Frédéric qu'il a perdue. Ce qui a dû poser des problèmes administratifs importants. Alors... Oui, mais c'est surtout après que vraiment le roi a jugé utile d'avoir la preuve de tous ses droits dans le royaume. Un peu arbitrairement, tout à l'heure, je me suis permis de placer Philippe Auguste en tête de la galerie des rois de France. Je dis qu'il n'y en a pas. Alors, bien sûr qu'il y a de nombreux souverains avant lui, des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens. Mais il est le premier roi que l'on retienne comme tel. Le premier roi dans l'acception étatique que nous en avons, nous, aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. D'abord parce que c'est quand même avec les Capétiens que le roi règne dans notre France actuelle, ce qu'on appelle la France occidentale, depuis le traité de Verdun au IXe siècle. C'est le premier roi qui incarne vraiment un pouvoir fort, qui met en place des institutions, et désolé d'y revenir, quand on met en place des archives, c'est qu'on a le sentiment qu'on a vraiment un pouvoir et qu'il y a des preuves. Les premiers comptes apparaissent vraiment avec Philippe Auguste, les comptes, la comptabilité, ce qui permet de vérifier ce que l'on gagne et donc ce que l'on peut dépenser. Les premiers conseillers du roi, vraiment dignes de ce nom, on les voit apparaître, vous avez cité Frère Guérin tout à l'heure. Et d'ailleurs, même quand Philippe Auguste va mourir, la manière dont il va être accompagné jusqu'à son tombeau de Saint-Denis, on a le sentiment vraiment que c'est une puissance force. Il a eu de la chance aussi. Il a régné plus de 40 ans, Alors la durée, ça aide. Bien sûr, il a eu la durée, ça c'est un des grands secrets, évidemment. Son petit-fils Saint-Louis, son arrière-arrière-petit-fils Philippe le Bel continueront, amplifieront cette action-là. Mais on peut dire qu'il y a bien chez lui, d'ailleurs vous l'appelez vous-même le bâtisseur du royaume, cette volonté de fonder le socle sur lequel la monarchie française... s'épanouira par la Absolument. Suite. Absolument, il a eu cette volonté, je pense, progressivement, parce que les premières années, il y a pas mal d'erreurs, pas mal de, j'allais dire, de coups de colère, de mouvements un petit peu instinctifs qui ne font pas de lui un très très grand stratège. Et puis l'âge venant, l'expérience arrivant, la chance aussi, bien sûr. Mais parce qu'il est venu au bon moment. Il est arrivé à un moment où le système tel qu'il existait depuis plusieurs siècles, ce système féodal, était en crise d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut parler d'une crise, d'ailleurs ? En tout cas, il a bien utilisé le système féodal qui s'était mis en place, mais on commençait à bien théoriser le fait qu'il y avait une espèce de pyramide avec des vassaux, des suzerains encore plus importants, etc. Philippe Auguste a très bien utilisé tout cela. Quand vous commencez à bien utiliser les choses, c'est généralement qu'elles sont à la fin de leur époque, c'est souvent ça. Alors, j'ai eu souvent l'occasion de parler ici parce qu'elle est un peu... Moi, je suis de Poitiers, vous savez, donc ça, forcément, ça crée des liens. Je vois venir. Donc, j'ai beaucoup parlé d'Aliénor d'Aquitaine, qui est un peu notre sainte patronne à nous, si je puis dire. Et évidemment, elle a été la première épouse de Louis VII. Et notre Philippe, là, il est, lui, le fils de la deuxième, en fait. Tout à fait. Ce qui veut dire que son père, cette espèce de roi moine, si l'on peut dire, Louis VII, son père était déjà âgé lorsque lui est né. Absolument, et cela explique beaucoup de choses, certainement du règne de Philippe Auguste. C'est un garçon qui naît quand son père a déjà largement la cinquantaine. Donc, et le père attendait un enfant, un fils, parce qu'il avait des filles. Il disait lui-même qu'il était horrifié par le nombre de ses filles. Et donc, ce garçon qui arrive, il était temps, parce que tout le monde voyait bien que le roi Louis VII était à la fin de son règne. Et d'ailleurs, les chroniqueurs nous disent, c'est un cadeau de Dieu. Il y a des miniatures, on voit carrément Dieu le Père apporter sur un plateau Philippe Auguste à Louis VII et à sa femme Adèle de Champagne. Et ça a certainement joué un grand rôle dans l'éducation. Et oui, c'est ce qu'on voit très bien, voilà. C'est ça. Parce que c'était l'enfant attendu, l'enfant précieux auquel rien ne devait arriver. Ça a été un enfant gâté, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est ça. On l'a porté à bout de bras d'une certaine manière. Ça lui a donné une certaine confiance en lui. On peut peut-être mieux comprendre à partir de là l'incroyable rayonnement qui fut celui de Philippe. Tout à fait. Il était très sûr de lui, très jeune déjà. Il voit le roi d'Angleterre, il visite un château. Il dit, il faudrait que ce château soit encore plus beau. Parce que le jour où je m'en emparerai, j'aimerais avoir un truc bien. Quelque chose de mieux, oui. Donc, c'était certainement quelqu'un de très très sûr de lui. Et en même temps, je pense qu'il y avait une telle pression sur ce que représentait déjà le roi de France, sur cette mission qui lui était donnée par Dieu, que à cette grande confiance coexistait aussi une certaine anxiété, serais-je à la hauteur ? On s'en rend compte avec son sacre d'ailleurs, ça c'est assez frappant, cérémonie mystique là vraiment. Oui, puis la première cérémonie a dû être annulée, on ne sait pas très bien pourquoi, probablement parce que justement il a eu un mouvement peut-être de panique ou d'angoisse. Alors les débuts du règne, nous dites-vous, n'ont pas été aussi brillants que ce qu'on pourrait imaginer, notamment cette fameuse croisade où on va le voir partir, il est tout jeune là, il part avec Richard Cœur de Lion, c'est la troisième croisade, cette croisade n'a pas été Philippe-Auguste avait beaucoup de mal à s'entendre avec Richard Cœur de Lion. D'abord, les intérêts politiques les séparaient. Et puis, Richard Cœur de Lion, c'est un peu le grand frère. Il a 7 ans de plus, qui réussit davantage, qui a un royaume beaucoup plus fort, qui est un bien, bien plus chevaleresque souverain que ne l'est Philippe-Auguste. Et la croisade se passe mal, Philippe-Auguste se sent humilié, Richard Cœur de Lion a beaucoup plus de bateaux, d'armées, de fortune, et bien mieux traité finalement partout où il passe que Philippe-Auguste. Et dès que Acre a été enlevé, stupeur, Philippe-Auguste annonce qu'il rentre. Ah oui, et pourquoi fait-il ça ? Alors d'abord ça a été un vrai scandale, les chroniqueurs nous le disent, même les partisans, enfin le roi, on commence tout juste à gagner quelque chose et le roi de France rentre. Je pense, il y a plein d'explications qui ont été données, je pense que à la fois il se sentait pas bien aux côtés de Richard Cœur de Lion et qu'il avait peur. C'est quelqu'un qui a régulièrement peur de la mort. Philippe Auguste a considéré qu'il avait fait son devoir et que maintenant il pouvait rentrer. Je me dis que notre auditeur de tout à l'heure va peut-être, si nous continuons sur cette pente-là, me reprocher de n'avoir pas expliqué ce à quoi Philippe Auguste a été amené. Et quel est son royaume, d'une certaine manière ? Il faut peut-être qu'on visualise ce qu'est le royaume de France de l'époque. Ça n'a rien à voir avec le grand royaume qu'on connaîtra 3 siècles plus tard, évidemment. Oui, d'ailleurs, il faut même distinguer le royaume lui-même. Et le domaine, domaine. Alors, le royaume, c'est à peu près, c'est bordé par la Meuse, par la Saône, par le Rhône. C'est un petit peu plus petit quand même que la France actuelle. Mais le domaine du roi, quand Philippe Auguste arrive, allez, pour faire simple, c'est la région parisienne et Orléans. Alors, quand Philippe Auguste arrive, mais quand il meurt, c'est déjà mieux, parce que justement, il fait partie de ceux qui ont reconquis du terrain, notamment sur les fameux Anglais dont vous parliez absolument, tout à l'heure. Absolument, il a reconquis la Normandie, l'Anjou, le Maine, une partie de l'Auvergne. Donc, il a vraiment dilaté le domaine royal. Quand Philippe Auguste meurt, le roi de France a un vrai domaine dont il est le maître. Ce surnom d'Auguste lui est donné quand ? Ce surnom lui est donné par un chroniqueur, il y a un jeu de mots. C'est à la fois celui qui a augmenté le royaume, et puis bien sûr, il y a une référence à l'empereur. L'empereur, hein, bien sûr. Le roi de France, enfin on en est loin, on n'est pas encore en 1519, mais le roi de France est empereur en son royaume. Mais il y a cette dimension. D'ailleurs, le rôle de Philippe Auguste va être essentiel dans la querelle de l'Empire romain germanique. Hein, d'ailleurs, Parce qu'il va intervenir dans cette lutte entre Othon, donc celui qu'on trouve à Bouvines, et Philippe de Souabe, qui est son concurrent, et la force politique qu'a réussi à acquérir Philippe Auguste fait que, évidemment, sa préférence va jouer un rôle décisif. Je sais que certains auditeurs écoutent très attentivement ce que disent nos invités. Et tout à l'heure, vous avez glissé comme ça au détour d'une phrase, Bruno Galland, qu'il était prêt, notre Philippe Auguste, à envahir l'Angleterre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, un chroniqueur nous raconte qu'un matin de 1213, Philippe Auguste, un peu impulsif, saute du lit et dit « Mais qu'est-ce que j'attends pour envahir l'Angleterre ?» Et il a eu une révélation. En tout cas, à 2 reprises, il va essayer d'envahir l'Angleterre. En 1213, ça marche pas, ça se termine, ça adresse contre lui la Grande Coalition. Et c'est de ce projet de conquête de l'Angleterre et de la coalition contre Philippe Auguste qui s'est formée à cette occasion. C'est à cause de ça qu'il y a eu finalement la bataille de Bouvines. Puis il a essayé une deuxième fois quelques années après, ça n'a pas davantage marché. Il a eu, comme vous nous l'avez dit, la durée pour lui, ça c'est fondamental. Il ne meurt qu'en 1223, c'est-à-dire, il a quel âge d'ailleurs en 1223 ? Il est né en 1165, donc vous voyez, il approche de la soixantaine. Soixantaine, hein, ce qui pour l'époque est pas mal du tout. Oui. Après 40 ans de règne, il est entouré d'une cour très, très structurée déjà. il jouit d'un grand prestige. Sa mort est une forme d'apothéose d'une certaine manière. Absolument, c'est le premier roi que l'on va présenter, vêtu des insignes royaux. Il va être enterré à Saint-Denis, il va y avoir des processions, les chroniques, là encore, s'en font l'écho. On peut dire que c'est probablement la première fois qu'il y a eu des vraies funérailles royales dignes alors, voilà, de ce nom. Hein, c'est ça. Alors, pour boucler la boucle, si je puis dire, Bruno Galland, j'aimerais qu'on revienne à la personnalité de ce roi. Comment le définiriez-vous si vous deviez nous parler de lui? Alors là, cette fois, de manière moderne et de manière psychologique, quel type de personne est-il? C'est un impulsif. Un impulsif? Ah oui, bien sûr. Vous voyez, le fait que les chroniqueurs nous disent qu'il saute du lit et décide d'envahir l'Angleterre, ça s'est sûrement pas passé comme ça. Mais c'est très révélateur de la manière dont il était perçu. C'est un impulsif, c'est un hyperactif. Il ne tient pas en place, ça s'arrange un peu avec l'âge, forcément. Mais c'est quelqu'un qui est capable de revenir sur lui-même. Il l'a acquis petit à petit, il sait tirer parti de ses erreurs. Et puis c'est quelqu'un qui sait écouter, les chroniqueurs le disent aussi d'ailleurs, les gens humbles, les gens simples, voilà. On n'a pas beaucoup parlé de reine dans cette histoire. Et pourtant, on pourrait faire une émission complète, rien que sur la reine danoise, la malheureuse Isambourg, que Philippe Auguste a épousée et qu'il a, mais que vous connaissez si bien, et qu'il a, dès le lendemain, cherché à répudier, et qui n'a repris que 20 ans plus tard, précisément quand il a eu besoin de l'appui du pape pour essayer d'envahir l'Angleterre. Ça, c'est pas forcément très brillant, hein, quand même. Non, et d'ailleurs, son chroniqueur favori, Rigord, qui ne cesse de nous dire que c'est un roi formidable, est quand même bien embarrassé avec cette histoire-là. Merci beaucoup, Bruno Galland, d'avoir rendu vivant ce personnage d'il y a 8 siècles. Philippe Auguste, le bâtisseur du royaume, c'est aux éditions Belin. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Nicolas qui se questionne sur l'origine des funérailles nationales. Au cœur de l'histoire, retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Nicolas. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il souhaite connaître l'origine d'une pratique rare, les funérailles nationales. Oui, alors c'est une pratique qui remonte alors vraiment à la plus haute antiquité. Hein. Toutes les civilisations ont rendu comme ça hommage à leurs grands hommes au moment de leur mort. Dans certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, c'est extrêmement codifié. C'est un peu moins le cas en France, pour une fois, puisque généralement c'est le président de la République qui décide que des funérailles seront nationales. Il prend un décret à ce moment-là et il revient au service du Premier ministre de mettre ce décret en application. On a vu ça récemment, le 10 avril dernier, pour le cas de Dominique Baudis qui a bénéficié de ce grand honneur des funérailles et des obsèques nationales. Alors, il y en a eu beaucoup, bien sûr, de ces obsèques nationales. Félix Faure, le maréchal Foch, beaucoup des maréchaux de la Grande Guerre d'ailleurs. Aristide Briand, Paul Doumer qui avait été assassiné. Vous savez, plus récemment, l'abbé Pierre, Aimé Césaire, ou encore le dernier soldat de la Grande Guerre, le dernier poilu, vous savez, Lazare Ponticelli, dont les funérailles nationales ont été un grand succès, si je puis dire. Le plus grand succès de tous, alors comme d'habitude, on a envie de dire, et revoilà Totor, c'est Victor Hugo. 2 millions de personnes ont assisté le 1er juin 1885 à cette extraordinaire cérémonie des obsèques de Victor Hugo, qui, disons-le, ont marqué toute une génération.